إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سواد بتوفيق برام عز وجل جي سنو درس توحيد جي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو ñi ngi woon ci mbir yi nga xam ni borom téere bi daf ko tudd, te ñu bari jàppe ko bokkaale, te demewut noonu. Demewut noonu maanaam léegoo-léeg du loolu mooy bokkaale, léegoo-léeg fekk dañoo jël lenn rek ci bokkaale, bëgg a boyal loolu ne moom mooy bokkaale lepp. Gisoon nañ ne kon lu jëm ci wàllu àtteek luwaaya loolu lenn la ci tawxidu rububiya. Kon njuumte la gu rëy ña koy jël di ci focaliser wu yaakaar na ña ngay daawal islam, ñooñee nañu xam ni dañoo wàcc yoon wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon. Mënoo wàcc yoon nag ne da ngay teg keneen ci yoon, loolu mënut nekk. Waaw, balaa ngaa teg nit ñi ci yoon day fekk nga tegu ci yoon ba pare. Waaw, yow ci sa bopp mënoo wàcc yoon wi jaar ci loo xam ni wàccug yoon la, ne da ngay teg ñeneen ñi ci yoon. Waaw, la la war mooy nga dem jàngiwaat, nga dem yëriwaat njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam, jim ci teguwaat ba pare doo ko dellu siwaat. Kadalika ñooñee nga xam ni dañuy wax naan bëgg àdduna la wala bëgg alal, loolu bokkaale la. Góor ga ca la tolloon mu ne sunu borom nee na qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum. Mu ne ca aaya yooyu sunu borom mi ngi naan su fekkente ne wax leen ne su fekkente ne seeni wayjur, seeni doom, seen njaboot, seeni mbokk, seeni frère ak sœur, seeni soxna, seeni giir ak seen alal bu nga xam ni yéen a ko fàggu, ak commerce goo xam ni yéen a ngay ragal mu yàqu, ak ay dëkkuwaay yu ngeen bëgg lool te gërëm ko, moo leen gënal ci yàlla, gënal leen yonantam. Mu ne kon qaala ahabba ilaykum, maanaam su fekkee loolu da ngeen koo gënaatle ci kaw yàlla, gënaatle ko ci kaw yonantam, maanaam gën a bëgg loolu ka yàlla, gën a bëgg loolu ka yonantam, maanaam alal geek, àdduna geek, njaboot geek, matériel àdduna bi ngeen bonoon leen a bëgg mbëgg gu naturel, ndax sunu borom moo binde doomu aadama noonee, waaye nag ngeen bëgg leen mbëggeel gu jéggi dayo ba daal di cay ëppal, daa di koy jiital ca kaw borom bi tabaraka wa taala ak yonantam. Mu ne maa ankara alayhim annahum yuhibbunahu. Mu ne fii sunu borom nekkut di leen tere wala mu leen di ŋàññi ci simple bëgg biñ bëgg àdduna wala alal rek déedéet. Mu ne laakin waaye ankara alayhim annahum yuqaddimuuna mahabbatahu ala mahabbatillah. Mu ne waaye li sunu borom jalla wa ala ŋàññi fii ca gaaña mooy lan? Mooy bëgg bi nga xamante ni nii bëgg nañ ko, mbëggeel goo xam ni dañ koo teg ci kaw li nga xamante ni nii moom mooy borom bi tabaraka wa taala ak yonantam. Loolee mooy la mu ŋàññi ca ñoom ma ngoog. Kon gis nga ñaari forme la. Kon benn forme bi mooy mbëggeel gu naturel gi nga xam ni ku ne bëgg nga ko sa alal, bëgg ko sa njaboot, bëgg ko sa nangam ak nangam. Waaye nag yooye yëpp ay mbir la yu jeex, alal ji day jeex, magok njabot gi imaañu bàyyi la fa nga bàyyi leen fi magok léegi nag loolee doo ko jël jiital ko teg ko ci kaw li nga xamante ni nii mooy bëgg yàlla teg ko ci kaw bëgg yonantam comme tey ni ko système bi di doxee mooy système bi nga xamante ni mooy système mu àdduna bi dundal bànneex yi nga xam ne nit ñi seen yëngu yëpp ay plaisir la seen pulsion yi nga xam ne mooy pulsion plaisir moo tax nga gis ñu créer ay infrastructure pour plaisir imagine leen école de football waaye yéen jommi wu leen ah ñu ne école de football que produit le football mais que produit le football bañ koy tëjil école académie de football mais vous vous rendez compte académie de football que produit le football est-ce une science ma ne football ndax xam-xam la loo xam ne à la base c' était pour lan pour du plaisir ce n' est pas du sport du sport sport leneen la football dafa comporter ay mbir yoo xamante ni nii c' est sportif mais le football ce n' est pas du sport c' est autre chose wéqbal topp ca la nit ki dina def sport sans mu jouer au foot kon buñ jël sport yëpp ñu tënk ko ci football n' est ce pas nit ki dina def sport sans mu jouer au foot mais xool leen tey kon gande lii jël ko gis nga jël ay étudiants yoo xamante ni nii waroon nañoo mën a jëriñ seen dëkk ñu orienté leen ci football bi gis nga ko jël football bi orné ko rafetal ko ba pare enrichir ko di ci dugal des milliers et des milliers de millions de dollars gis nga loolu mooy dundal plaisir wallahul mustaan donc loolu benn aspect bu ndaw la rek boo fa jógee nga dem ci musique lan lay produire léegi l'enseignant kii enseigné dem leen ci àll bi jóg leen ngeen dox ngeen sol seen dàll ngeen dem ci àll bi nga fekk benn enseignant boo xamante ni nii ci sàkkat lay nekk soo deful ndànk moom mooy le directeur de cette école là moom mooy le seul enseignant bi fa nekk muy enseigné village bi yëpp tout une village wala tout un village moo leen di enseigné amul sax salaire 200,000 par contre benn waay fële ñu jël ko muy wéqbal bi ñu ne par semaine lañ koy fay quoi des milliers d'euros ñu ne c'est ça la démocratie on est dans un monde moderne lii mooy modernité lii mooy démocratie est ce que lii mooy nité ah boo ñëwee ci enseignant yi lan nga gis pauvreté désolation lu lay bañ loo jàng luy bañ loo xale yi jàng toujours lañ leen di wan ci côté enseignant aspect boobu la ñu gis ah ma ngoog mais un joueur de football nga gis mu yor plusieurs voitures de luxe un enseignant il n'a même pas un cheval amul sax vélo bu mu dawal pour buy jàngale ji le médecin noonu donc loolu muy tekki mooy le football est plus important que la santé le football est plus important que l'éducation waxuñu ne ko nag suñ làmmiñ loolu mooy jëfu naafiq on est tellement hypocrite on est trop hypocrite trop même trop waxuñu ko suñ làmmiñ de tey boo ko waxee ñu ne non il exagère kenn waxu ko fi mais c'est ce qu'on pratique loolu la ñuy pratiqué loolu la ñuy pratiqué waxuñu ko ci làmmiñ de xam nga bindiñu ko fenn le football est plus important bindiñu ko fenn mais c'est ce qu'on pratique enseignement moo gën football santé moo gën football transport moo mais est ce que loolu feeñ na ci ñi nekk ci enseignement bi est ce que gënaay boobu feeñ na ci fan la feeñ ci ñoom au contraire ci ñuy football la feeñ gis nga ci ñuy football la feeñ jël des milliards ne dañuy tabax benn stade ay école a ngi fi yoo xamante ni comme ni ma ko waxee léegi ay baraak laak sàkket ñu jël ay milliards ne dañuy tabax un stade de football quoi ndaw mu saan ñu ne ndax c' est le monde moderne allahul mustaan on est des intellectuels quoi mais gis nga xam nga boo nee tey boo indee par exemple boo indee voile islamique nga dégg intellectuel yi jóg non c' est de l' archaïsme non vraiment c' est emprisonner la femme mais ana intellectuel yi bi ñuy jël ay milliards di ko def ci stade de football par contre école yaa ngi nii nekk ay gattax ana intellectuel yi dans tout ça ana intellectuel yi bi médecin bi nga xamante ni nii war na mën a servir hôpital di dugg ci kaaru tataay yi di lang ana intellectuel yi bi malades yi ñëwee ñu indi leen ci hôpitaux yi il n'y a pas assez de personnel il n'y a pas assez de moyens matériels pour ñu mën a accueillir malades yi ba ñuy dee ci mbedd mi di dee ci yoon yi di dee ci autoroute à péage yeeg yu kenn xamul où sont les intellectuels où êtes vous balaa ngeen jóg daal ñu ne islam ah oui balaa ngeen jóg ñu ne islam ku nekk di siiñu bañ nag ñu invité leen ci télé yi nag jox leen micro yi ñuy wax mais bu quand il s' agit bu fekkee loo xam ne luy jëriñ askan wi la y' a pas dentelo chacun ses choix chacun ses soins waaw ku nekk yaa ngi sa biir kër tëju allahul mustaan war nañ xoolaat société bi xam ngeen ne yéen yéen a ko gën a xam système yi di fi daw benn baaxu fi amul benn système bu baax amul islam kese mooy système bi nga xam ne mooy système mu mandute mooy système mu njub mais nag bàyyi nañ ko fi dem di jéggaani yeneen mbir wallahul mustaan kon loolu jar a bàyyi xel la kon gis nga mbir yi bu amee exagération fi muy jëm ak fa muy jëmee askan wi mu ne kon fii moom sunu borom dajjiwu leen ci bëgg bañ bëgg alal ak yooyu bëgg bu modéré bëgg bu naturel waaye ëppal ga kay la aaya bi la aaya bi tere ma ko jiital bañ bi jiital loolu ala mahabbatillah gis nga te muy lan mahabbatul ma mu ne la nag xamal ni mahabbatul mal laysa shirkan laysat shirkan bëgg alal du bokkaale déedéet li annahu min mahabbatil manafi ndax bëgg luy jariña la allati yantafiu biha al insan loo xam ni doomu aadama da ciy jëriñu kon li lay jëriñ da nga koy bëgg lakin haulaai alladina yaquluna hadihi almaqalat mu ne ñooñee di wax loolu naan bëgg alal bokkaale laak yu demee noonu imma hum juhal imma ñoom dañoo réer xamuñu lam yataallamu tawxid wa shirk ñooñu jànguñu tawxid jànguñu shirk xam nga ñu bëri lii mooy seen jafe-jafe duñ jàng tawxid duñ jàng shirk loolu mooy seen jafe-jafe ma ngoog duñ jàng tawxid duñ jàng shirk dañuy jóg rek commencé jàng julli ña cay jàng sinon ñeneen ñi sax duñ jàng julli ñi dañ leen tayalloo yokkalloo leen ci jàng seen diina dañ cee amuk tayal bu rëy toog di débat toog di waxtaan toog di def leen moo leen gënal gàddu seen téere jàng seen diina loolu jafe-jafe bu rëy la te nañ xam ni nag teg dàngay xeet wi ci xam-xam la nekk démb li yëkkati woon xeet wi mooy xam-xam te la ko yëkkati woon démb moo koy yëkkatiwaat tey mbir yi soppeekoo dara du changé ma ngoog mu ne imma annahum muridun yuriduna sarfa annas an hadihi alxaqaiq ila ashyaa ila ashyaa hum yuridunaha wa maarib yuridunaha wallahu aalam bilmaqasid mu ne bokk wala ñu nekk ñoo xamante ni nii dañuy gàllankoor nit ñi ñu bëgg lan wëlbati nit ñi ci réalité yi yóbbu leen ci yeneen mbir yoo xam ne ñoom moom lañ bëgg wa yuridu alladina yattabicuna ashahawat an tamilu maylan azima sunu borom ne ñi topp seen bànneex gis nga toppkatu bànneex yi nga xam ni plaisir rek la ñuy dundal ci la ñuy investir ci la ñuy doxal moom la ñuy former defar ko structurer ko plaisir kese dañoo bëgg ngeen jeng jeng gu rëy mu ne kon ñooñee lañ bëgg mooy lan détourné nit ñi yóbbu leen ci seen i objectif bopp ay objectif bien déterminé yoo xam ne ñoom ñoo ko fixer seen bopp est ce que gis nga muy xeetu manipulation manipulation nag boo xam ne dañ koy jaarale ci plaisir nga yaakaar yow yaa am choix non man maa am choix wu xool yi man maa am non dañ la manipuler dañ la manipuler mbir mi dafa am fu mu commencé ñu koy togg di ko liggéey ba finalement yow gisoo woon lu dul lii xamoo woon lu dul lii lii ngay bëgg lii ngay jël def ko priorité bi gën a rëy alors que ndekete yoo nëbb nañ la ay mbir yu bëri ngir lan ngir ñàkk a développé loolu ngir ñàkk a wone loolu ngir ñàkk a feeñal loolu xoolal par exemple les médias mbër mi gën a tuuti mbër mi gën a tuuti fexe nañ nit ñi xam ko créé wuñu ay émission xam sa mbër n' est ce pas lan moo tax créé wuñu émission xam sa médecin lan moo tax créé ñu émission xam sa professeur lan moo tax créé ñu émission xam sa enseignant lan moo tax créé wuñu émission xam sa sëriñu daara lan moo tax créé ñu émission xam sa ilimaanu jàkka kon mbër yi ñoo gën a am importance que ñi gis nga kon mbër moomu nga bëgg à travers médias yi niñ ko lancé yow pour yow yow yaa def choix bëgg ko non non dañ la manipulé c'est la manipulation c'est de la manipulation tout court mais nag dem nga ba mu rattaché wu ci say buumu xol nga bëgg ko gis nga kooku bu sëqëtee sax mu saf la bu solee yére benn ko mu saf la gis nga bu solee tubay joo xamante ni nii benn tànk bi dañ koo daggate xar ko lañ sete na ko mu saf la ñu ne c'est la mode lu mu def mu saf la c'est de la manipulation yàlla nañ borom bi tabaraka wa taala sàmm ñu teg foofu sunu baaraam islam rek moo mën a yee nit ñi dañuy sonn rek dañuy tayxi bi daloon juif yi di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu tayxi boobu waaw nekk ci miir ak ngëlante di wëndeelu rek islam rek mooy solution bi ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.